assez opprimé dès ma jeunesse qu'Israël le dise. Maintenant, ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas dominé. Des laboureurs ont tracé leur sillon sur mon dos. Ils ont prolongé leur rêve, mais l'Éternel est juste. Il a rompu les cordes des méchants.